Faites chauffer les consoles, démarrez les ordinateurs, Indy 500, c'est parti. Simon Giraud, bonjour. Bonjour. Mathieu Giraud, bonjour. Et salut. Game designer et ingénieur, respectivement, et frère surtout, sur Turbo Live, de Duck Reaction. C'est un jeu qui est sorti le 11 novembre dernier. C'est donc, comme je l'ai dit, développé par Duck Reaction et édité par Duck Reaction. Et c'est un jeu qui, bah, au contraire de tous les autres qu'on a présentés jusque-là dans Indy 500, est gratuit. Voilà pour les quelques petites informations. On va revenir bien sûr sur tout ce qu'il y a à savoir à propos du jeu. En attendant, comment allez-vous les gars ? Et ça va bien, ça va super, et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Très content de parler de Turbo Live et non pas de Duck Reaction, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Mais avant de parler de tout ça, on va parler des fameux virages de l'émission. Quatre questions que je pose à mes invités. Et ça va être intéressant puisque on a des frères, du coup, dans l'émission. Donc on va voir si les questions auront les mêmes réponses ou pas. On va commencer, honneur avec Mathieu, dans l'ordre alphabétique, avec ton premier coup de cœur de joueur, Mathieu. Mon premier coup de cœur de joueur, je pense que c'était Maniac Mansion. Ok. Chez mes cousines, quand on était tout petit, elles avaient la Super NES. Nous, on avait la Sega Mega Drive. On a dû l'avoir un peu après. Et ce jeu m'a bluffé à l'époque, parce qu'en fait, j'avais l'impression que les nombres de possibilités étaient illimités. C'est vrai, je t'ai pas demandé si tu vois à quoi ressemble Maniac Mansion. Ah si, bien sûr, un des jeux de LucasArts, un des premiers grands succès de LucasArts. C'est ça, un point and click, et qui avait la particularité où on choisissait une combinaison de 3 personnages, si je me souviens bien, parmi 8. Et en fait, comme ils avaient tous des capacités différentes et ils avaient tous un peu leurs spécificités, bah du coup, j'avais l'impression qu'on pouvait avoir des combinaisons infinies et des solutions, mais des milliards de solutions pour finir le jeu. Ce qui n'est sûrement pas le cas en soi. Mais j'y ai rejoué après, on va dire une dizaine d'années plus tard, étant adolescent. Et j'ai toujours, c'est un peu cette même sensation. Bon, bien sûr, avec plus d'objectivité, puisque j'étais plus vieux, mais il m'avait quand même bluffé alors que le jeu en soi était quand même très vieux à l'époque quand j'y ai rejoué quoi. Ça c'était mon coup de cœur. Certains diraient Lucasfilm Games, s'ils auront raison pour le développeur, à l'époque ça s'appelait pas encore LucasArts. Simon, toi de ton côté, ton premier coup de cœur, on reste dans les point and click? Non, parce que après c'est, bah, je pense que les gens qui ont un grand frère, une grande sœur le savent. J'ai eu beaucoup de jeux rapidement parce qu'avec Mathieu on joue à Sonic ensemble depuis tout petit. Enfin, moi je suis arrivé, en fait j'avais déjà plein de jeux du coup. Parce que l'écart d'âge est de combien de... 8 ans, 8 du coup. Ans. Ouais. 8 ans. Ouais, je suis arrivé à 2 ans, déjà je jouais en fait du coup, parce que Mathieu avait l'âge de jouer en fait. Et pour l'anecdote, Simon savait jouer avant de marcher en fait. Voilà, c'est ce que mes parents, Mathieu m'a répété. C'était l'histoire un peu de fun de la famille. Un jeu qui m'a marqué plus tard du coup, parce que qui vraiment... Ah aussi, je commence à découvrir mes expériences un peu de joueur aussi. C'est Katamari Damacy. Okay. Où je me souviens que c'était un pote de Mathieu, je crois qu'il lui avait prêté et tout. Et je me souviens, c'est le premier jeu, je me suis dit, ah mais en fait, on peut faire nimp et c'est rigolo en fait. Enfin, en fait, il y avait un truc de ce jeu, je sentais qu'il se prenait pas la tête. Enfin, il y avait un truc de, et en même temps, c'était tellement fun et je comprenais pas pourquoi. Enfin, parce que du coup, je n'étais pas designer, enfin, je connaissais pas tout ce vocabulaire-là. Mais il y avait un truc qui m'a marqué en mode, mais c'est trop fun ce jeu. Et plus j'y jouais, plus je me disais, ah, c'est fun en fait, c'est fun. Et ça m'a marqué. On aura l'occasion de reparler un peu de Katamari Damacy, puisque l'un de vos jeux qui est en prototype pour l'instant s'inspire un petit peu du principe de Katamari Damacy. Le meilleur jeu auquel tu as joué, Simon, ça reste Katamari Damacy ou est-ce que c'est un autre jeu? C'est un peu une vanne que je sens quand on me pose des questions. Et en même temps, c'est un peu vrai. J'ai découvert un jeu sur Itch qui s'appelle EnviroBear 2000, je crois, un truc comme ça. Ok. Et c'est pas que les gens s'attendent à un truc fou, hein, mais moi, je trouve... Enfin, il est très bien, je trouve, parce qu'en fait, juste, je m'attendais pas à ça. Mais en gros, le principe, c'était un ours qui conduit une voiture. Et tu peux, genre. En fait, tout est basé sur le fait que tu es dans la voiture avec l'ours et en fait, juste à la souris, il faut passer les vitesses, faut tourner le volant. En fait, tu gères tout à la souris. Du coup, c'est assez compliqué de gérer. Ok. Tu dois choper du poisson pour avant le. Avant d'aller te. Comment on dit? D'hiberner, en fait. Voilà, à chaque fois que je le pitch, je me dis, ouais, il est pas si terrible ce jeu en vrai. Mais en vrai, je le trouve. Je sais pas, il m'a marqué en mode, oh, c'est un très bon jeu en fait, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est un peu le côté. Des fois, en fait, à un jeu, quand t'as juste envie d'une petite expérience et que t'as pas besoin de plus, en fait, il peut être aussi marquant qu'un gros jeu de 300 heures aussi, je trouve. C'est quoi le nom du Ah, jeu? attends, j'ai trop trouvé, c'est Ah obscur. Hein. non. Il me semble que c'est Envirobert 2000, un truc comme ça? Envirobert 2000. Comme Ok. Berl, ouais, je crois que c'est ça. Incroyable. Simon, Simon, toi de toi de ton ton côté? côté? Le meilleur jeu auquel t'as joué? Non, Mathieu, tu veux dire. Mathieu, pardon. On va arriver. T'en fais pas, même nos parents se confondent, donc. Ah Je pense qu'il va être déçu de ma réponse, en fait. Mais j'ai pas de meilleur jeu. Parce que tout simplement, en fait, pour moi, il y a un meilleur jeu par catégorie, tu vois. bon? Et tu me donnes, c'est quoi ton meilleur builder ou c'est quoi ton meilleur jeu d'infiltration? Bah là, ouais, je pourrais te donner une réponse, mais le meilleur jeu en soi, enfin, non, j'ai vraiment des périodes où il y a un style de jeu qui m'attire plus que l'autre, et voilà quoi. Okay. Il y a petit, j'adorais les Tomb Raider, c'était mon jeu préféré. Après, c'est passé à jeu d'infiltration avec les Metal Gear Solid. Et puis dernièrement, je pense que j'ai eu tous les jeux d'automatisation type Factorio et Satisfactory, quoi. Donc, ouais, Ok. désolé pour la réponse. Non, bah, non, bah, pas de souci, pas de souci. En tout cas, ça permet peut-être de faire découvrir quelques jeux aux personnes qui les connaîtraient, qui les connaîtraient pas. Le moment qui a défini votre volonté de travailler dans le jeu vidéo, c'est le même moment, les gars, ou au contraire, ce sont deux moments qui sont totalement séparés. Il y en a un qui a commencé à bosser dans le jeu vidéo, puis un autre l'a rejoint, ou inversement. Alors, Simon est le plus jeune et paradoxalement, c'est lui qui a commencé à bosser dans le jeu vidéo plus tôt. Moi, j'avais eu quelques expériences dans le jeu vidéo, mais pas des boîtes vraiment de jeux vidéo. Du coup, Simon, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le jeu vidéo? Ah, bah, c'est Envirobert 2000 encore, Ah Alors, le gars va ramener toute la discussion à ça. Vous avez joué à Envirobert 2000, il est super. Hein. Vraiment du début à la incroyable. fin. Non, non, non, c'est. Bah, je me souviens que Mathieu, voilà, encore une fois, comme plus âgé, m'a mis un peu sur Blender à un moment parce que j'aimais bien. Il m'a mis sur. Enfin, Mathieu faisait du Flash MX à un moment et j'aimais bien, je trouvais ça rigolo. Et après, il m'a dit, bah, tiens, t'as de la 3D parce que j'aimais bien tout ce qui était visuel en fait. Avant d'aller vers le design, je me suis dit, ah, en fait, faire des règles du jeu, c'est un métier. Et là, je fais, ah, bah, ça a l'air trop cool. Mais du coup, sur Blender, justement, en fait, au début, j'apprenais la 3D, je faisais des chaises comme tout le monde et des donuts. Et du coup, j'étais où? Je crois que j'étais début collège, il me semble un truc du genre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert, il y avait un truc sur Blender, là, les vieux Blender, il y avait un outil de logique. Ils avaient fait des jeux avec un peu, c'était un peu pété, c'était vraiment des trucs que tu reliais comme des Visual Scripting, mais très simple, où c'était vraiment Ok. condition. Non, c'était genre acteur, condition, effet, en gros, voilà. Et tu pouvais pas vraiment faire plus, c'était pas très poussé comme truc, mais en fait, j'ai découvert ça, et je dis, ah, mais en fait, putain, on peut créer des jeux, on peut créer des mouvements et tout. Et je trouvais ça. Bah en fait super bien déjà en fait pour apprendre te dire tiens on peut créer des logiques et en fait c'est hyper fun enfin tu donnes vie à quelque chose et j'ai vraiment pris goût à ça quoi. Et je me suis dit ah, j'aimerais bien faire mon métier quoi à ce moment-là. Est-ce qu'Envirobert 2000 permet de faire ça justement? Envirobert c'est moi je le dis encore une fois c'est un jeu fantastique jouer à Envirobert. Je pense voilà si je pense que c'est vrai que je le dis pas assez aux étudiants des fois que j'ai je dis un joueur Envirobert arrêtez avec vos jeux de merde là. Jouer à des vrais jeux là, vraiment le vieux prof jouer à vrai jeu, c'est un vrai jeu. N'y a pas de moment qui font on se dit on va vraiment aller dans le jeu vidéo. Enfin, je pense que c'est plusieurs étapes. Personnellement, c'était d'abord je veux coder des trucs en fait, tu vois. J'ai découvert les ordinateurs vraiment quand je suis arrivé au collège. Wow, génial, Excel, c'est extraordinaire, il fait les calculs pour moi, tu vois. Je veux faire des trucs avec un ordinateur. Après, plus tard, j'ai fait un peu de Flash MX, comme le disait Simon. Je dis, ah, c'est cool, on peut faire de l'animation et tout avec. Puis après, ah, on peut faire des jeux, et enfin, on peut commencer à coder des choses, tu vois. Et puis plus tard, en fait, moi, je me suis dit, bah, je veux développer des choses. À un moment, on s'est dit, bah, tiens, on va, pourquoi ne pas faire notre studio de jeux vidéo et faire vraiment des jeux. L'idée de faire notre studio, elle remonte quand même ça date au moins d'il y a plus de 10 ans quand même, je pense. J'étais au lycée, moi. On va y revenir effectivement sur. On avait fait un jeu ensemble, Simon. Ouais, t'étais au lycée quand on avait fait God Swag, il s'appelait God Swag, c'est ça l'histoire. Vraiment le truc daté pour Oui, rire. c'est ça. Moi, je pense que je devais juste commencer à travailler, et donc on avait dû faire ça le soir, un peu sur nos heures libres. On avait fait un Ok. jeu Android ensemble, qui n'est malheureusement plus accessible, c'est dommage, le On nom. va avoir l'occasion de revenir sur Duck Reaction. Fait, on passe à la dernière question du coup de ces quatre virages. Le jeu qui vous inspire le plus en tant que développeur, Mathieu, Simon, est-ce que c'est un jeu qui est différent de l'autre? Vas-y Simon, réponds en premier. Est-ce que je fais encore mon running gag dans Vie Robert? Je sais pas. C'est toi qui vois. Je suis sûr que c'est Katamari Damacy pour toi. Ouais, c'est Katamari Damacy. En vrai, je sais que des potes avec qui je travaille me disent oui, bah toi t'aimes bien les idées chaotiques, les deux trucs, what the fuck, et c'est vrai, j'aime ce côté. Après, en fait, largement, il y a le côté, en fait, je trouve. Enfin, je vais pas faire de généralité, mais je trouve que dans les jeux japonais, en tout cas, pas tous, mais il y a un délire de. Le jeu reste du jeu, quoi. C'est du jouet, c'est du toy, et en fait, il y a des choses qu'on va pas justifier parce que c'est du jeu, en fait, et les gens les acceptent. Là où je trouve que des fois, dans des jeux occidentaux, on veut trop scénariser, trop faire du lore. Ça dépend des jeux, genre, encore une fois, Bien franchement, sûr. moi, enfin, il n'y a aucun souci avec tout ça. Mais des fois, je trouve qu'il y a un côté presque vulgaire en Occident, du côté, ça, c'est pas un vrai jeu sérieux parce que, en fait, il n'y a pas un scénario de ouf, ça parle pas de ça, ça parle pas de ça. Or qu'en fait, les jeux qui, comme Katamari ou des Mario finalement qui ont l'air d'avoir aucun sens, mais non, c'est juste qu'ils sont dictés par le gameplay et c'est très bien en fait. C'est d'ailleurs la base du jeu, c'est ce qui lui fait, ce qui rend le médium unique aussi. Mais bon, je pense que voilà, ça c'est un avis personnel. Il y a ce truc de, comme le cinéma a fait avec le théâtre à un moment, le côté c'est encore nouveau des fois et du coup on va chercher du truc du cinéma parce que ça nous paraît plus sérieux. Ça donne une espèce de légitimité. Alors qu'en fait, ce qui donne le vrai vocabulaire du jeu, c'est vraiment le côté, justement, créer des règles, tout ça, quoi. Simon, Mathieu a deviné ton jeu préféré. Est-ce que tu peux deviner celui de Mathieu? Enfin, celui qui l'inspire, pardon, le plus en tant que développeur. Bonne question. Attends, il me fait référence à quoi souvent? Chez Mathieu, c'est compliqué, je vois pas mal de choses. J'avais pas trouvé. Ah, Mathieu, tu peux l'aider, hein. Factorio? Alors, ouais, il y a Factorio, effectivement. En tant que développeur, vraiment pur codeur, Factorio, ouais, c'est. Factorio et les Sims, c'est des jeux qui m'inspirent. Parce que je me dis, d'un point de vue dev, wow, des jeux comme Factorio, Satisfactory, ils gèrent tellement de trucs et tout. Enfin, surtout Factorio qui était avant. C'est incroyable, ça simule l'énergie utilisée par les machines et tout, etc. Enfin, c'est assez ouf. Les Sims, c'est pareil, mais c'est plus en côté IA. En fait, je trouve l'IA est vraiment cool dans ce jeu. Elle est un peu pétée, des fois ils font des trucs complètement absurdes, mais ça me fait tellement marrer. Et par contre, si je me mets plus en mode game designer, et ben là, c'est Islanders, le jeu qui m'a le plus bluffé ces dernières années. C'est Parce le que. jeu de. Ah, c'est un jeu qui est sorti récemment, non? Je saurais pas dire il y a combien de temps il est sorti. Il y a au moins 3 ans, facile. Ah, je pense pas à celui-là du coup. On doit placer des petits bâtiments. En fait, t'as un deck qui était fourni, qui représente des bâtiments, et tu les poses sur une carte. Et les bâtiments entre eux ont une influence positive ou négative. Et tu dois combiner en fait ces influences pour gagner des pièces et pouvoir passer au tour suivant. Et la boucle, elle est hyper simple à comprendre. Le jeu, il est hyper épuré, il y a juste ce qu'il faut, il est très beau. Tu rentres dedans, tu comprends tout de suite. Et pourtant, ça devient hyper addictif. Et il y a en même temps de la profondeur, parce que pour vraiment maîtriser le truc, tu peux y passer des heures et des heures pour avoir un score énorme, quoi. Et ouais, d'un point de vue game design, en fait, je le trouve presque parfait, quoi. Il est incroyable. Enfin, vraiment jouer à ce jeu, quoi. Islanders, Voilà, on a déjà les c'est. recommandations Bah de la fin de non, l'émission au c'est. début de Ouais. l'émission. C'est pour C'est moi, c'est ça. vraiment c'est un jeu qui m'a bluffé, quoi, d'un point de vue game design, du coup. Pas d'un point de vue dev, d'un point de vue dev, c'est un petit jeu qui est tout à fait faisable par une petite équipe. Mais d'un point de vue game design, il est extraordinaire. Après, si je peux me permettre, t'as pas joué à Envirobert, donc. Oui, c'est... alors oui, voilà. Bon, bien sûr, on refera une émission après que j'ai joué à Envirobert et je vous dirai mon retour. De... C'est biaisé. On va fermer les quatre virages pour passer donc sur l'interview en tant que telle, sur le studio et puis aussi sur Turbo Life, puisque c'est pour ça que l'on se réunit tous les trois aujourd'hui. On va parler donc de Doc Reaction, votre studio. C'est un studio qui a déjà une dizaine d'années. Et donc, il est commencé pendant que toi, Simon, t'es au lycée, c'est ça ? Non, enfin, en fait, c'est ce que disait Mathieu rapidement, c'est... on n'avait pas spécialement encore d'idée de monter du studio en mode rien de sérieux, en tout cas. Juste, ce serait marrant de faire des jeux vidéo ensemble. Voilà. Et c'est juste que oui, je dirais que... Je ne sais plus trop pour le contexte de Mathieu, mais oui, peut-être commencer à travailler. Mais je crois qu'il devait faire un... Je sais plus si tu devais faire un projet de jeu et tu voulais faire un jeu mobile, justement. Et moi, j'étais au lycée à ce moment-là et j'étais en art appliqué. Et du coup, oui, j'aimais bien tout ce qui était visuel. Du coup, on s'était rendu. J'étais pas du tout dans une posture de game designer, parce qu'on faisait le game design ensemble. J'étais vraiment dans une posture de très bien, je vais faire le visuel du jeu. Et Mathieu était sur la prog et on travaillait sur Cocos à ce moment-là, je crois. Et du coup, en fait, on a fait le jeu, on l'a sorti sur mobile, c'était cool, on était content. Le jeu avait plein de défauts de design, à commencer par... tu peux casser le jeu en 30 secondes, en fait. Enfin, le jeu n'était pas très intéressant, c'était littéralement... t'avais des humains, ils veulent monter au paradis, toi tu veux pas, parce que t'es dieu, on va dire. Et en fait, il faut tirer des éclairs sur les humains, et en fait, pour recharger ta batterie d'éclairs, il fallait secouer ton téléphone. Et nous, on était en mode naïvement jeune designer. On s'est dit, les gens, ils vont tirer sur les humains et après, ils vont secouer le téléphone parce que c'est comme ça qu'on veut qu'on joue. Ils vont secouer le téléphone en tirant. Voilà. Et là, ils vont juste. Et là, ils secouaient tout en même temps. Et on a fait, ah oui, c'est vrai, d'accord, c'est donc ça. Et je pense qu'on a compris ce que c'était le design à ce moment-là. En fait, tu comprends le design, en fait, à partir du moment où les gens pètent ton jeu devant tes yeux et t'es en mode, ah d'accord, ok. Et tu peux rien dire parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire ? Arrête ! Arrête de jouer comme en ça. En soi, c'était notre premier échec, mais c'était vraiment hyper formateur, quoi, clairement. Mais c'est super formateur de réaliser qu'importe jeu. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec les développeurs. Généralement, on démarre avec des petits projets comme ça. Ouais, c'est clair. Complètement. C'est le meilleur moyen pour débuter. Hein. Exactement. Ah ouais. Exactement. Et le jeu était déjà publié avec le nom Duck Reaction. On n'a pas dit qu'on faisait de studio ou quoi, mais on s'est dit, on va se donner un nom d'équipe et on a dû décider ça en 15 minutes. Duck Reaction, voilà. Ok. Et Simon avait fait un logo qui ressemble pas du tout à celui qu'on a actuellement, mais il y avait déjà un logo avec un canard. C'est le petit canard quand même, c'est le petit canard. Ouais, okay. Il y avait déjà le canard. Ouais. Pourquoi ce canard ? Il y a une raison particulière ? Mais le canard, je sais plus, mais à chaque fois, il y a des gens qui nous demandaient pourquoi Duck Reaction, et moi j'ai un vague souvenir de, on est tombé sur, on aime bien les animaux, voilà, en mode, tu vois, pour te donner le niveau du brainstorm, je pense que c'était un truc, t'aimes bien quoi ? Bon, j'aime mes animaux. Bon, moi aussi, super. Voilà. Ça a dû donner ça. On a dû scroller sur le net. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'appellent comme ça ? Il y a Canard, ouais, Duck, c'est marrant. Et j'ai souvenir d'avoir tombé sur une photo, à nous deux, de motard avec un emblème de canard en feu. Et on s'est dit, ah, moteur, réaction, Duck Reaction. Voilà, c'est vraiment pas... tu vois, quand les gens ils demandent, mais c'est bizarre comme nom. Oui, écoute, voilà... Enfin, tu veux que je te passe une thèse ou quoi ? Genre, canard en feu, bon, c'est bon, t'es content. On n'a pas du tout embauché une équipe de marketing très très chère pour trouver le nom. Nous, ça a été vraiment très rapide. On a choisi Duck Reaction et puis après, on a trouvé une justification. En disant, ah ouais, les initiales, en plus, ça fait DR, ça fait genre docteur du jeu. Ouais, et puis, Duck Reaction, si on le dit vite, ça fait création et tout. Oh, c'est trop bien, ouais. C'est pour, le nom c'est pour parfait, te montrer à quel point on était dans le déni quand même pour dire que c'était une idée, c'était une idée de merde. Et nous, on était. Non, regarde, si tu t'inverses les lettres, ça fait un super truc. C'est ça. Non, mais ouais, on est attaché à ce nom, ouais. Ouais, puis on se prend pas la tête aussi sur certaines choses comme ça. Du coup, il y a ce jeu où vous êtes Dieu qui envoie des éclairs. Et ensuite, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce qu'il y a beaucoup de jeux sur Itch.io que vous avez fait. Ouais, alors vas-y Mathieu, tiens, raconte un peu. Après, il y a une longue phase sur plusieurs années, on s'est dit, ah ouais, on va vraiment faire du jeu vidéo. Simon va commencer à partir sur les études pour faire du jeu vidéo. Et on s'est dit, ouais, plus tard, on fera un studio ensemble. L'objectif, c'était que d'abord Simon fasse une petite expérience professionnelle avant qu'on monte le studio. Mm-hmm. Parce que du fait des 8 ans d'écart, voilà. Moi, j'étais déjà en train de développer pour des boîtes, en tant qu'ingé. J'ai travaillé dans certaines boîtes où on a fait un petit peu de jeux vidéo mobile. Ah, ok. Et puis on s'est dit bah nous aussi on va faire ça. Donc on a commencé à réfléchir à notre concept et tout pour petit à petit préparer Duck Reaction. Et quand on s'est dit ok, on va bientôt lancer la boîte, on s'est dit là il faut qu'on se chauffe un peu plus, on va faire du training. Et c'est parti, on va faire une game jam. Et Simon dit, ah, je veux faire la Ludum Dare. Je sais pas pourquoi, mais il dit, la Ludum Dare, c'est cool. Je fais, bah, ok, alors, faisons la Ludum Dare. Et on a fait plusieurs jeux pour la Ludum, histoire de bien chauffer. Et ensuite, bah, on a fait, ok, bah, on fait tout l'administratif et tout le bazar. Et puis, on lance Duck Reaction, quoi. On lance le studio. On lance le studio. Et là, avec nos Incroyable. changements de situation professionnelle, Simon qui est passé à mi-temps, il est toujours salarié là où il était avant. Et moi, du coup, j'ai pas réussi à avoir de mi-temps. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. Je touche le chômage. Et pour faire rentrer un peu d'argent, bah, je travaille en tant que sous-traitant chez mon ancien employeur. Donc, Ok. en parallèle, je fais du logiciel plus classique. Voilà. Ok. Bon, logiciel desktop. On va parler de Meaningless d'ici quelques instants puisque c'est le tout premier jeu finalement sur lequel vous avez travaillé en dehors de tous les prototypes de Ludum Dare et autres. Mais comme je l'ai présenté au tout début d'Indie 500, c'est la première fois que j'ai des frères qui sont dans l'émission. Est-ce que ça change réellement quelque chose d'être frère dans le développement de jeux vidéo ou pas? C'est un peu difficile de répondre à mesure où on n'a pas de comparaison dans l'expérience. Ah, toi, tu peux comparer avec si, enfin si, Oui, chacun peut oui, oui. comparer avec Piece of Cake et moi là où je bosse, tu vois, pareil, tu vois, ça fait quoi de Oui. bosser avec d'autres personnes, tu vois. Mais j'ai pas monté de studio avec d'autres personnes, oui. Mais en Oui, effet, j'ai travaillé voilà, avec d'autres personnes. on s'est pas associé quoi sur d'autres Ouais, ouais. entreprises, quoi. En tout cas, de mon point de vue. Il y a deux trucs, enfin, il y a une espèce de facilité en disant bah, tu connais bien la personne en fait, et voilà, on se comprend des fois rapidement sur certaines choses. Après, là où ça marche bien, c'est qu'on a beau avoir un, bah, évidemment un tronc commun de souvenirs et tout. On a quand même des personnalités assez différentes du fait que Mathieu est quand même un profil plus technique et moi un profil plus artistique pour vraiment vulgariser le truc, même si c'est pas, voilà, c'est pas aussi Simon, simple que c'est le ça. foufou. Voilà, je suis un peu foufou, quoi. Et Mathieu me cadre. Mathieu, c'est le cadre. Le carré. C'est le carré. Non, mais voilà, pour ça, c'est vraiment pour vulgariser simplement. Mais ouais, c'est nous ça se passe bien. Après en fait c'est moi je suis assez neutre en mode moi je suis en mode j'aime beaucoup travailler Mathieu et voilà mais ça pourrait être en fait on aurait pu pas être frère et de meilleurs potes et ça aurait marché pareil quoi au final Ok. Je pense aussi. il faut juste une bonne alchimie quoi c'est juste et on trouve de plus bien aussi cet équilibre et heureusement et je pense que ça c'est vraiment moi quand je le vois c'est quand tu travailles avec quelqu'un on arrive à se dire les choses. Quand des fois, parce que voilà, des fois, il y a des choses où on se comprend pas, où on n'est pas d'accord et tout, mais pour autant, on accepte, enfin, on écoute l'autre, et voilà, enfin, ça, il y a aussi une écoute qui est normale, en fait, qu'il faut avoir, mais avec n'importe qui, en fait, quand tu seras avec quelqu'un. Parce que voilà, il faut pas tomber dans le piège de des fois, c'est ton meilleur pote et tu penses que tout est acquis, en disant, bah, c'est bon, ça a marché, et en fait, bah, non, en fait, c'est pas parce que t'es pote que tu, ou frère que tu as travaillé ensemble, enfin, c'est quand même, travailler avec quelqu'un, c'est quelque chose, quoi, enfin, en termes de communication, de. À prendre toujours les choses par ego, de comprendre par empathie aussi que des fois les gens ça va pas toujours dans leur vie, qu'en fait des fois ils sont pas dans leur truc, enfin voilà quoi, il y a plein de choses au travail qu'on connaît tous. Normalement, on déconseille fortement de s'associer avec la famille. Voilà. Donc nous, on a fait faire 50-50 pour 50% 50% sur une part d'une boîte avec sa famille, on n'est pas censé le faire. Enfin, tout le monde dit surtout ne le faites pas. Et moi, je dirais bah si en fait, faut juste être d'accord dès le départ. Il faut penser au pire. Qu'est-ce qui va se passer au pire? On va être dans la merde financièrement. Est-ce qu'on est d'accord si ça marche pas? On fait ça. Et dès l'instant qu'on est d'accord, bah, il n'y a pas de souci. Après, c'est bizarrement, moi, autant je travaille bien avec beaucoup de personnes, mais m'associer pour faire une entreprise, je le voyais qu'avec Simon. En fait, il n'y aurait pas eu Simon, je pense que je serais parti tout seul, tu vois, c'est tout. Ouais, je sais pas, il fallait. Se la pète derrière son écran là. Les auditeurs doivent savoir. Je pense que c'est le côté, comme l'a dit Simon, c'est la facilité à se comprendre. Tu vois, genre, tout à l'heure, j'ai deviné que son jeu préféré, c'était Katamari Damacy, tu vois, mais bon, c'est parce que je le connais bien, tu vois. Et moi, j'ai pas deviné, le frère ingrat. Le frère nul. C'est le début de la fin de Doc Reaction. Ouais, c'est ça. Comment ça, je connais pas mon jeu? Bah, je préfère Mathieu, c'est Motus, oui, je suis sûr. Et ouais, c'est ça en fait, le fait de se comprendre rapidement, tu gagnes du temps, et comme t'es dans des situations un peu de stress tout le temps, t'as un peu un espèce de yo-yo émotionnel, bah il faut que tu bosses avec une personne, enfin que tu t'associes avec une personne qui va comprendre ça, et voilà, qui va comprendre que, bah, si des fois tu te sens pas bien, que c'est pas contre elle, mais voilà, que c'est le truc est dur, c'est dur pour tout le monde, et faut se soutenir quoi, tu vois, donc... Si tu te sens prêt, si tu ressens ça avec quelqu'un, bah, je pense que tu peux t'associer avec cette personne. Tu vois. On va parler des jeux maintenant. On va commencer par Meaningless, Allez. Qui est très très différent de Turbo Life, parce que on est sur quoi ? Un jeu de réflexion où il faut pousser une boule dans un trou, on doit déplacer certains objets avec la souris ou le doigt peut-être, parce que je crois qu'il est sorti sur portable, si je dis pas de bêtises, ouais, aussi ce jeu. C'est ça. Tout à fait. Ouais, on est sur un... Je pense qu'à la fin, on peut... Une fois, avec le recul, maintenant, moi, personnellement, je le résume en... C'est du mini-golf sous extra, je sais pas trop quoi. Oui, je trouve que ça ressemble bien à du mini-golf. C'est du mini-golf sous hypnose, quoi. C'est vraiment... Tu t'appuies sur une balle, tu dois aller dans le trou, en effet. Bon, tu déplaces des blocs, c'est musical, c'est rigolo. Voilà. Pas... Assez simple. De toute façon, c'était un jeu pour s'échauffer, hein. Clairement, on a. Faut savoir, comme ce jeu, du coup, ça part de la Ludum Dare. Et que les Ludum Dare, souvent, et Mathieu, c'était vraiment pour montrer le niveau de notre brainstorming. Alors, déjà, il y a un thème de la Ludum Dare dans les jams. En général, on décidait du jeu avant. Vraiment. voilà. Déjà, l'irrespect des règles, quoi. D'accord. C'était vraiment, des fois, la veille. Oh, ça dit, on fait un jeu, on clique sur un poisson. Ouais, ça va, marrant. Ça. On va faire un jeu, on clique sur un poisson. Puis voilà. Et Meaningless, peut-être c'est la seule jam où on a respecté le thème, parce que c'était peut-être boucle le thème. Ouais, non, même pas, je suis même pas sûr en fait. Jeu de jam à la base, que dire de plus, oui, interaction. On voulait un jeu simple en fait pour s'échauffer. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a, en fait, comme le jeu de jam, les gens, le retour qu'on a eu voilà, sur le Doom Dare, c'était c'est cool, mais il manque des niveaux, il manque du contenu. Mais les gens étaient un peu, ils étaient en mode, ah, c'est marrant, on dirait un tuto d'un jeu plus long. Un jeu à la Monument Valley, typiquement, qui était quand même la référence principale. Hein. Et du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, on va faire ce jeu en 6 mois, on se donne 6 mois, ça paraît être un temps suffisant pour faire un jeu correct. Et on a une base qui est là, et même si le jeu, c'est pas trop notre vibe spécifiquement, et tu l'as dit, hein, tu n'as rien à voir avec Turbo Life, pardon. Bah, c'est pas grave, c'est un bon exercice. Meaningless, c'est vraiment le jeu qui démarre réellement votre carrière de développeur de jeux vidéo en tant que tel ? Il a vraiment cette importance-là pour vous ? Pas ma carrière, mais le début du studio, oui. Il y a quand même deux stades, en fait. C'est vraiment, tu débutes ta carrière en tant que développeur ou travailles dans le jeu vidéo. Donc, ça dépend de chacun. Et Meaningless, c'est vraiment, par contre, le début du studio. On s'est dit, bon, bah voilà, on commence le studio et il faut publier quelque chose. Et c'est Meaningless, quoi. Ouais, c'est le jeu qui était vraiment le premier, parce que du coup, bon, on avait vraiment le statut d'entreprise. Et on est allé jusqu'au bout aussi. On l'a sorti, on a réussi à le publier sur Steam. Mais en fait, c'était ça notre objectif de début sur ce premier jeu, c'était finir un jeu. On savait qu'il allait flopper, etc., qu'il avait les problèmes, etc. Mais c'est pas grave, tant qu'on arrivait à aller jusqu'au bout du process, c'est-à-dire vraiment le publier sur Steam et que les gens puissent acheter le jeu, quoi. C'était ça l'objectif derrière ce jeu. Avant de parler de Turbo Live, un petit mot sur Fluffy Doki Sunshine, qui est un jeu, bah, on parlait de Katamari Damacy tout à l'heure, c'est un mélange entre Katamari Damacy et Vampire Survivors, d'après la vidéo que vous avez faite sur votre YouTube. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du jeu ? Il est encore en prototype, c'est ça ? Il est complètement cancel. Tu nous brises le cœur. Ah mon dieu, tant de souvenirs douloureux. Ah ouais, là il est vraiment... Ouais, comme l'a dit Simon, cancel. Moi, je préfère parler d'une longue pause. J'espère qu'un jour, ils reviennent. C'est intéressant. Pourquoi avoir décidé d'interrompre le développement du jeu ? Si c'est pas indiscret. Il faut le savoir. Non, au contraire, c'est pas du tout indiscret. On est totalement transparent là-dessus. Globalement, on essaye d'être le plus transparent possible sur ce qui se passe dans le studio. L'histoire est un petit peu longue, peut-être. Je vais essayer de raconter. Simon, tu complètes si j'oublie quelque chose. Vas-y. Donc, on finit Miniglass. On veut partir sur un autre type de jeu. Truc action, donc Katamari Damacy. Bon, clairement, c'est un jeu. Bon, Simon adore ce jeu, mais moi aussi, j'adore ce jeu, en fait, aussi. Faut le dire. C'est les meilleures parties en coop que j'ai fait, c'était sur Katamari Damacy, quoi. Et du coup, trop bien, on va mélanger ça avec Vampire Survivor parce que c'est hype et ça va être trop cool. Et on se met à faire un petit proto sur ce jeu. Donc techniquement, il est assez dur à faire. Hein. Il y avait beaucoup de contraintes, le fait qu'il y ait énormément d'ennemis en même temps à l'écran, en 3D, animé, etc. Très loin du Vampire Survivor. Bah, du coup, c'était assez difficile. Donc on galère, mais on avance. Et on se dit, on va présenter notre proto à la Steam Next Fest. Ok. En se disant, bah, si les gens aiment bien le proto, on pourra aller plus loin, peut-être trouver un financement, etc. Et donc, bah, on galère, on cut un maximum de fonctionnalités parce qu'on voit bien qu'on va pas être dans les temps pour sortir la Steam Next Fest. On peut pas se permettre de traîner trop longtemps. C'est la Steam Next Fest qu'on cible. On peut, en tant que petit studio, nos fonds sont hyper limités. On peut pas dire, bah, on va prendre 2 ans pour faire un proto, c'est pas possible, quoi. Donc il faut aller vite. C'est celle de quand, 2023, Steam Next Fest? Du coup, bah, c'était celle de cette année, au tout début, février 2024. Ouais, d'accord, ouais, celle de 2024. C'est ça, donc du coup, là, on est fin 2023, et nous, bah, on travaille comme des bourrins pour essayer de faire ce prototype. Et puis on y arrive, on arrive à sortir un truc pour la Steam Next Fest. On a par contre enlevé énormément de fonctionnalités, c'était très très loin d'avoir la boucle complète du jeu. Mais on se dit, on va quand même essayer de convaincre les gens avec ça. Mmh. Et malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre assez de personnes. Ça a quand même fait croître notre communauté. On a pas mal de gens qui ont apprécié l'idée et qui se sont dit, bah tiens, je vais les rejoindre. Je vais voir ce que font Duck Reaction et tout, ça a l'air cool. Mais pas de là à exploser au Steam Next Fest ou d'avoir un nombre de wishlists assez conséquent. Et non seulement pas de wishlist suffisante, le monde du jeu vidéo qui commence à être un peu critique là, début 2024, fin 2023, de l'effet en fait post-Covid, quoi. Pendant le Covid, il y a eu gavasse de thunes, là ils arrêtent les financements, ils cut, il y a des licenciements partout. Donc autant te dire que arriver avec un petit proto de jeu pas du tout fini et essayer de trouver un financement, c'est mission impossible. On demande quand même conseil, hein. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen avec ça de trouver un financement et tout? Tout le monde nous dit, bah non, c'est mort. Finissez le jeu, faites un truc quasiment complet, et là, oui, vous pouvez trouver peut-être un financement. Mais du coup, on s'est dit, en fait, il faut encore qu'on travaille un an pour peut-être ensuite avoir un contact, pour peut-être signer un contrat de financement encore un an et demi plus tard. En fait, on ne peut pas. Nous, c'est pas gérable, on a des contraintes financières trop élevées, on ne peut pas se permettre ça. Et donc, du coup, bah, on prend la décision difficile, mais de dire, bah, tant pis, on cancel le jeu, on le met en pause, on tue Fluffy Ducky. Et c'était marrant triste. Et on se dit, bah, tant pis, on va repartir sur quelque chose de plus petit. Le jeu, en fait, on est passé d'un scope qui était petit sur Miniglass, on s'est dit, on va faire un truc un peu plus gros. Là, on était parti en fait sur quelque chose de vraiment beaucoup plus gros. On s'est pas rendu compte. Très très ambitieux. Ouais. C'était trop ambitieux en fait. On pensait pas du tout, mais ça l'était trop. Mm. Et donc du coup, bah, on s'est dit tant pis. On revient à nos bases. On va refaire un truc plus petit pour agrandir la communauté, se faire connaître, mais un truc qu'on peut atteindre rapidement en quelques mois. Ça va nous faire du bien pour le moral déjà. Hein, refinir un jeu et pas cancel un truc. Et voilà. On est parti sur l'idée de Turbo Life. On va y revenir d'ici quelques instants. Simon, t'as peut-être un mot à rajouter sur Fluffy Ducky? Ouais, non, mais quand t'as relevé très ambitieux, t'as entièrement raison. Hein, le côté, on s'est emballé. La vidéo, temps, vraiment, j'ai fait waouh. Ouais, c'est clair. On a pété les plombs. On a pété les plombs. Mais il y a un côté. En fait, je pense, c'est un mal pour un bien. Moi, je le vois comme ça parce que c'est cool dans la mesure en fait, où on s'en est rendu compte. Parce que je pense qu'en fait, tous les développeurs passent par cette phase C'est une phase, tu passes déjà, souvent quand tu es étudiant en jeu vidéo, tu passes par ça. Et puis après, quand tu fonds ton studio, après, tu te dis, mais voilà, tu as plein d'idées, tu as plein de trucs que tu veux faire. Et c'est difficile de scoper. Hein. De toute façon, on le voit même des gros studios encore. Où pourtant, il y a des gens qui ont plein d'expérience, des fois, ont du mal encore à scoper, donc c'est normal. C'est un exercice qui est vraiment difficile. Et en fait, ça a été un bon rappel à l'ordre, en fait, de juste de. Bon, bah voilà, on s'est planté. On a été trop ambitieux sur plein de choses. Le côté qu'on voulait un éditeur plus facilement. On ne se rendait pas compte des deadlines, de machin et tout. Qu'on était quand même à mi-temps. Donc, en fait, on est aussi fatigué de l'autre semaine, machin et tout. Et voilà, c'était un bon rappel à l'ordre. Et maintenant, en fait, aussi, finalement, on se met moins la pression sur les horaires. C'est bien. Enfin, on s'est dit, on va revenir un peu aux bases, des plus petits jeux, quoi. Et les bases, bah c'est Turbo Live, qui a donc été développé en moins d'une année, du coup, les gars, si je reprends un petit peu le calendrier, c'est ça ? Ouais, bah, c'est tout à fait ça. Fin mars, on a commencé, je crois, et du coup, à mi-temps. Et tu comptes mi-temps, donc en fait, tu divises par deux le temps de production, quoi, en gros. Voilà, incroyable. Donc, Turbo Live, qu'est-ce que c'est que Turbo Live ? Personnellement, moi, j'ai vu que... Enfin, moi, ça m'a fait penser à Death Race, qui est un vieux jeu sur Atari où on écrasait des gens avec sa voiture. Mais c'est peut-être pas du tout l'inspiration principale. Quel est le principe de Turbo Live ? Quelles sont les inspirations du jeu ? Alors, Turbo Live, toujours dans notre... comment dire ? Notre manière de brainstormer incroyable. Qu'est-ce qu'on sait dire si on va faire un petit jeu qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va mettre en avant voilà, il y avait cette question de avec la discussion qu'on a eue avec Jean de Side by Side qu'on remercie voilà Jean de Side by Side qui était à l'Engmin j'ai fait l'Engmin du coup en fait j'avais un peu des contacts les gens derrière un... Baladin notamment exactement incroyable. Et en fait ils sont aussi sur un même Slack des indés voilà présents dans une vers Aquitaine, tout ça. Donc, en fait, c'est lui qui nous a beaucoup aidé à un moment, en fait, un peu à nous recadrer en disant, bah, éditeur, c'est compliqué, les gars. Et on lui a parlé de Twitch, et parce que sur Meaningless, il y a un mode Twitch, qui était en fait un essai à la base. En mode, comment on peut ramener des gens à jouer à Meaningless ? Parce qu'on a travaillé avec un gars un peu qui faisait de la com, vite fait, à un moment. Et on se dit, bon, on peut essayer de faire un mode Twitch, ça peut attirer les streamers et tout. Et en fait, bon, bah, un puzzle game à streamer pas terrible dans la mesure où en fait t'es spoilé donc t'as pas bien envie d'y jouer mais on se dit vas-y viens on fait un jeu vraiment pensé pour les streamers quoi c'est un jeu tu joues entre streamer et viewer du coup on réfléchit à des trucs et on se dit on va pas se prendre la tête hein il y a des piétons tu les écrases voilà enfin je vais toucher quoi on était plus d'accord c'est vraiment comme des hauts placés dans un oui c'est bien on est tout à fait d'accord les piétons et les voitures badaboum voilà c'était vraiment le pitch quoi voilà donc je pense 30 minutes de brainstorm max complètement mais t'es voilà, médisant on a bien dû faire une heure de brainstorm je pense quand même c'est vrai ouais c'est vrai ouais c'est quand même non parce qu'on a eu d'autres idées entre temps je me souviens qu'il y avait eu d'autres idées on n'est pas arrivé à Turbo Live tout de suite c'est vrai voilà on a plusieurs idées donc Turbo Live arrive et on se dit c'est bien en fait comme on veut revenir aux bases par les bases aussi on entend de il faut qu'on retrouve ce truc de jam qu'on avait de la core loop doit être vite là en fait même si c'est proto même si c'est dégueu voilà presque en un week-end on pourrait le faire quoi même si voilà on prend le temps parce qu'on veut pas se cruncher ni rien mais voilà on se dit c'est ça l'objectif quand en une semaine Mathieu arrive à prototyper un truc en code et voilà on se dit oui c'est bien c'est le gameplay là quoi et du coup intégrer ça avec ce mode Twitch vraiment on se dit allez on met ça en avant c'est un jeu communautaire quoi voilà c'est parti de ça ouais, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Simon c'est après chaque projet on a l'habitude de faire un post-mortem avec Simon, c'est-à-dire en gros, on se prend une heure, deux heures, et on se dit, ok, qu'est-ce qui était bien sur ce projet-là, qu'est-ce qui était pas bien, et quelles leçons on va en tirer, d'accord ? Et donc on arrive forcément Fluffy Doki, bah on scope trop gros, etc. Le jeu qui est pas fini graphiquement et sur les fixes, et non, ça on a vu que c'était un gros point noir. Donc on s'est dit, on part sur quelque chose vraiment de tout petit d'un point de vue game loop, comme l'a dit Simon, qu'on puisse faire en une semaine, pour se dire, bah après tous les mois qui vont rester derrière de travail, en fait, ça va être que du graphisme, du polish, etc., pour faire un jeu vraiment bien fini. Et c'est l'habitude qu'on avait pris un peu dans les Ludum Dare, c'était toujours faire un petit scope, mais au moins, on arrivait à la fin de la Ludum, on avait un jeu qui était assez polish. Et comme l'a dit Simon, Fluffy Doki, bah, c'est vraiment le truc qu'on a, on a perdu ça. L'accident un peu. De parcours. Ouais, l'accident de parcours. Il y a une Ludum d'arrêt aussi, ça nous était arrivé. On avait fait un mauvais scope et on n'avait pas réussi à polish. On avait eu le même problème. Et en fait, là, le problème est revenu. Et du coup, bah, là, on s'est dit, ouais, s'il y a une petite game loop, au moins derrière, bah, si on passe 3 mois, bah, ça sera 3 mois pour vraiment polish le jeu, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, quoi. Enfin, dans Turbo Live, le moindre bouton et tout, on a travaillé les effets pendant plusieurs jours à chaque fois, quoi, pour avoir un truc un peu sympa, quoi. Alors, on va rentrer un petit peu dans le gameplay de Turbo Live. Il y a trois, on va dire, modes de jeu. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais moi, il y a une question. Lorsque j'ai vu le jeu tourner, vous avez notamment fait une démonstration avec vos viewers. C'était de savoir comment on équilibrait le jeu, voire le déséquilibrer, parce que l'objectif, c'est quand même qu'il soit fun, aussi bien pour les viewers à regarder que le streamer à jouer, et même d'ailleurs, les viewers peuvent y jouer. Je vais y revenir d'ici quelques instants avec Mathieu. Comment on fait pour équilibrer tout ça et éviter justement de rendre le jeu trop frustrant? Il n'y a pas de recette miracle. Je crois que tu fais du playtest et tu vois si ça le fait ou pas. Quoi. Je ne sais même pas si on pourra vraiment avoir un jeu qui sera équilibré dans toutes les situations. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre un streamer qui va jouer, hein, ou une streamer qui va jouer avec sa communauté, et ils sont peut-être allés 10, tu vois, à jouer sur la map, et un créateur de contenu qui a une plus grosse communauté et qui va arriver avec 1000 personnes qui vont jouer à Turbo Live en même temps, bah, là, le jeu, ça devient un stade. Le jeu est bloqué à 1000 personnes, hein, 1000 viewers. Si t'arrives à ce stade-là, ouais, c'est énorme. Si t'arrives à ce stade-là, c'est la loterie, en fait, hein, clairement. Enfin, surtout sur les premières vagues, en fait, les voitures, elles vont arriver, elles vont écraser 200-300 piétons d'un coup. Bon, bah, si t'as survécu, tant mieux, tu vas peut-être pouvoir commencer à faire quelque chose, quoi, tu vois. Donc, le jeu ne sera pas équilibré dans toutes les situations, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, c'est... Après, en fait, c'est... bon, c'est comme ça qu'on travaille, et je sais pas si ça... J'ai l'impression que, en tout cas, quelques personnes avec qui on a eu contact, ils étaient contents. Mais oui, on est vachement sur le truc de... on balance la démo, on voit comment les gens réagissent, et très vite, en fait, on itère dessus. C'est l'avantage d'être deux, en fait, et d'avoir des petites loops d'itération. Où voilà, en fait, on met comme... Ouais, c'est vraiment du playtest, et dire, OK, le problème, c'était ça, ça, ça et ça, faut qu'on corrige ça, comment on corrige ça. Mais clairement, en fait, en plus, comme c'est nouveau, qu'il n'y a pas non plus masse jeu avec intégration Twitch, et vraiment, le gameplay est posé dessus. En fait, il y a le truc, on a découvert sur le tas, hein, vraiment. On se dit, bah, c'est vrai, comment on fait ça? Bon, on verra bien. On va balancer des streamers. Ouais. Une deuxième question, enfin une question subsidiaire finalement, parce que vous accordez beaucoup justement d'attention au polish du jeu. Mais le jeu peut devenir quand même un grand bazar. Comment on fait pour le rendre lisible? Est-ce que ça passe par des indications sonores? Est-ce que ça passe par des indications visuelles? Le jeu a quand même une palette de couleurs extrêmement, pétante, de manière à pouvoir distinguer tous les éléments. Ça fait partie de ces choses-là à faire? Ouais, il y a un côté... le jeu, quand même, en tout cas, sur... Bon, du coup, sur la côté DA, vu que c'est une partie que j'ai pris un peu en charge, il y a le côté... il y a plein de choix qui ont été faits en effet, bah justement par rapport au gameplay et pas par rapport juste à un but esthétique. Bah justement, c'est aussi l'avantage en fait de alterner entre design et art, parce que souvent il y a un peu des fois un froid entre les deux pôles en disant les game designers ou les game designers veulent des trucs lisibles et les artistes pètent les plombs et font des trucs beaux mais pas lisibles. C'est, voilà, pour caricaturer en gros. Mais là, vu que finalement on alterne un peu entre tout ça et tous ces métiers. En tout cas, on essaye. Il y a le côté, on a un jeu, on a peu de temps. Moi, j'étais en mode, bon, il faut que je fasse quand même plusieurs personnages. Typiquement, les animations procédurales du jeu, donc les personnages, en fait, il n'y a aucune animation quasiment keyframe. Je crois qu'il y en a une ou deux max. Et le reste, c'est que du procédural, de placement des plugins où il place ses pieds comme il faut. C'est du ragdoll. Et j'étais en mode, tiens, c'est marrant, c'est plus goofy, c'est plus rigolo, ça... Finalement, ça va plus dans l'idée un peu what the fuck du projet. Et en plus, bah, ça m'arrange bien parce que j'ai pas besoin d'animer 50 animations pour que mon personnage soit un peu marrant, en fait. Et pareil sur les feedbacks et la lisibilité, bah, y a un côté, OK, il faut quand même que ça soit aussi faut que ça accroche l'œil aussi sur les bah, sur Steam aussi hein. Faut, du coup on se dit bah ouais un jeu un peu what the fuck très coloré ça un party game en tout cas ça évoque souvent ça en tout cas et c'est le côté il faut qu'il y ait les feedbacks nécessaires en effet donc faut il y a tout un délire de tu mets des fixes enfin moi souvent ma stratégie en tout cas c'est tu mets plein de feedback beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de game feel et après je dis ok là je suis allé un peu trop comme un bourrin et tu réajustes après au fur et à mesure en disant ça c'est un feedback vraiment important ça c'est moins important mais voilà c'est toujours l'itération quoi il n'y a pas de secret là-dessus quoi il y a quand même un whiz hein, en tant que feedback hein. Je sais alors pas si ça on s'en rend compte. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je pense que c'est pour ça qu'en fait, quand on a fait le Wiz, on s'est dit, c'est bon, le projet a atteint son paroxysme, on va arrêter. C'est bon, on peut passer à autre chose. Ouais, c'est clair. Il y a pas mal, je vais juste rajouter une petite parenthèse. Tu l'as dit, on avait fait un petit stream avec notre communauté. Et ce test-là nous a permis de se rendre compte de pas mal de problèmes sur le jeu. Et du coup, on a rajouté justement beaucoup de feedback à ce moment-là. Bah. Ça, plus d'autres streamers qui ont testé de leur côté et qui nous ont dit, ah, on aimerait par exemple avoir le nom des viewers au-dessus des personnages et au-dessus, donc du coup on l'a ajouté au-dessus des personnages, mais aussi au-dessus des voitures si une voiture est envoyée par un viewer. Voilà, on a tu rajoutes la couleur sur le texte pour correspondre à la couleur du joueur, etc. Enfin, des petites choses comme ça qu'on peaufine, qui prennent pas trop de temps à faire, mais qu'on fait à la fin en fonction des retours. Pour être sûr que ce soit le plus compréhensible possible, quoi. Et ça passe beaucoup aussi par regarder ce que les streamers ont fait, ce qui s'est passé lors d'un stream, tu vois. Ça, c'est assez plus objectif, tu vois. C'est pas un retour d'expérience. Nous, on regarde en fait ce qui s'est passé. On dit, là, ça marchait pas très bien. Ils ont pas compris, tu vois. On va peut-être essayer de changer ça, tu vois. Alors, donc il y a des voitures, il y a des piétons, faut éviter que les piétons se fassent écraser, mais il y a trois modes de jeu. On peut revenir sur ces modes de jeu? On a le mode survival, c'est le premier mode le plus classique. T'as un groupe de 50 piétons et tu dois survivre avec au moins un piéton le plus longtemps possible. Donc, tant que t'en as un de vivant, c'est bon. Et tu as donc la possibilité, donc soit tu cliques sur la map et tout le groupe va à l'endroit où tu as cliqué, soit tu as un système de drag and drop où tu peux prendre un petit tas de piétons et les déplacer à un autre endroit. Sachant qu'il y a un système de cooldown et tu peux faire du drag and drop autant que tu veux, quoi. Donc ça, c'est valable en solo, mais aussi donc en mode streamer. Et en mode streamer, soit tu vas le jouer en coopération, soit tu vas le jouer en versus. En coopération, donc l'objectif est commun aux streamers et aux viewers, c'est-à-dire qu'ils doivent survivre ensemble le plus longtemps possible. Et cette fois-ci, les viewers vont contrôler un piéton. Chacun contrôle un piéton. Et le streamer, lui, ne peut pas du coup guider tous les viewers, enfin pardon, tous les piétons. Il peut juste faire des drag and drop. Et à partir de ça, bah, il faut essayer de survivre le plus longtemps possible. Donc, par exemple, les viewers vont essayer de déplacer chacun sur une case différente pour éviter les voitures. Et le streamer peut dire, au dernier moment, bah, il va soulever des piétons pour dire, ah, je vais te sauver. Tu t'as failli te faire écraser, quoi. T'as pas réagi à temps. Et de l'autre côté, t'as le mode versus, où là, cette fois-ci, c'est le streamer qui va contrôler le groupe de piétons entièrement. Et par contre, les viewers vont balancer des voitures dans tous les sens pour essayer de l'exterminer le plus vite possible. Et donc ça, c'est le mode survie, quoi. Ce qui est assez drôle. Il y a un mode foot aussi dans Oui, il y a un les mode, souvenirs il y a aussi. un mode foot, tout à fait. C'est un mensonge, c'est un C'est un mensonge. mensonge, il est en construction. Il est en construction, il n'est pas fini. D'accord. Bon, on le Mais dira dans la suite du coup. ouais, bon, on peut quand même l'expliquer. En fait, globalement, c'est. De toute Ouais. façon, tous les modes de jeu qu'on a prévus et qu'on a en tête, parce qu'on en a vraiment une pleine page hein, d'idées, c'est toujours. T'as toujours cette base de. T'as des voitures, t'es piéton, et tu dois survivre. Sauf que derrière, tu peux faire plein de trucs. Et là, typiquement, bah, tu fais un foot de rue. Donc, c'est un foot classique. Hein, tu vois, t'as chacun. Les groupes de piétons sont divisés en deux. Voilà, et tu fais un match de foot. Mais t'as toujours tes voitures qui passent en plein milieu, quoi, tu vois. Et donc, faut pas se faire écraser en même temps. Donc. T'as deux stratégies, du coup, soit tu marques plus de buts, soit tu te débrouilles pour que l'équipe adverse se fasse écraser. Ça marche aussi. Voilà. Intéressant. Mathieu, tu as été responsable, enfin tu es, comment dire, j'allais dire tu es programmeur, je vais retrouver la qualification, tu es ingénieur, voilà, Oui, bah, tu peux sur dire développeur, il DuckReaction. n'y a pas de. Développeur, effectivement. Ingénieur, ça fait un peu pompeux des fois, je trouve. Bon. Lorsque j'ai discuté avec des développeurs de mode multijoueur en ligne, ils m'ont dit c'est comme si on refaisait un jeu. de développer justement quelque chose en ligne. Ici, on a des intégrations Twitch qui pourraient s'apparenter justement à du multijoueur en ligne. Est-ce que c'est aussi compliqué que de réaliser du multijoueur, on va dire, classique dans un jeu vidéo ? Comment ça se passe justement de réaliser un jeu avec des intégrations Twitch ? Les contraintes sont un petit peu différentes. Si tu fais un jeu multi, t'as souvent, c'est à toi de gérer le serveur, etc. Donc t'as des, effectivement, ça fait demande beaucoup de travail, c'est presque développer un second jeu. Là, vu qu'on passe par Twitch, t'as pas cette partie serveur. Donc tu pourrais dire, ah c'est cool, j'ai moins de choses à faire. Mais en réalité, t'as aussi beaucoup de contraintes qui sont imposées par Twitch. Et déjà le chat, hein, contrôler un jeu via le chat, bah, c'est pas évident quoi. Donc t'as des soucis pas que de dev, mais de game design. Et ensuite, bah, t'as toutes les sécurités Twitch qu'il faut respecter, qui sont un peu compliquées. Les tests, typiquement, il y a des choses qui sont pas bien pensées chez Twitch. Je vais donner un exemple. Quand tu arrives sur la page de sélection du mode, il y a un vote qui se lance automatiquement sur Twitch, qui permet à chaque viewer de voter pour le mode de jeu auquel il veut jouer. Ça c'est super cool, sauf que nous on n'a jamais pu tester cette fonctionnalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils n'ont pas prévu que les développeurs puissent se créer un compte comme s'ils étaient Twitch Partner. Et en fait il n'y a que les Twitch Partners qui peuvent lancer un vote. Donc la fonctionnalité n'a jamais été testée de notre côté. Et elle a l'air de marcher en partie de ce que j'ai vu sur les streams. C'est-à-dire qu'il y a le vote, etc., qui se lance bien, mais en réalité, on voit pas le résultat sur l'écran de jeu, alors qu'on devrait. Et ça, c'est juste parce qu'on ne peut pas tester. Il faudrait qu'on trouve un streamer qui dise « Bon, bah, les gars, je vais vous prêter mon compte, mon accès à mon compte et tout. » C'est un peu tendu, quand même. Il faut faire confiance. Pour dire « Bah voilà, moi, je suis Twitch Partner, vous allez pouvoir tester. » Voilà. Et ça, c'est une contrainte typiquement qu'on n'aurait jamais sur un développement de jeu multijoueur où on maîtrise de bout en bout la chaîne. Et c'est pour ça qu'on en est venu aussi à la conclusion que là, on veut toujours continuer à faire des jeux pour les streamers, mais la prochaine fois, on ne passera pas par l'API Twitch. On fera un système un peu plus maison qui nous permettra du coup de fonctionner quelle que soit la plateforme de stream et ne pas avoir la contrainte de Twitch. Il y a un truc que j'ai remarqué que moi personnellement j'avais jamais vu au niveau des intégrations Twitch. Alors c'est peut-être présent, mais moi personnellement je l'avais jamais vu. C'est que grosso modo, il y a un contrôle du ping, c'est ça, un contrôle de la latence entre le stream et tout ça. Comment ça marche ce système-là ? Là, c'est pour résoudre un souci en fait. C'est plus du game design là, complètement. Ce qui se passe, c'est que quand tu streams, même si tu réduis au maximum tes paramètres de latence, le temps que le flux vidéo, c'est un peu technique, hein, mais globalement, ton enregistrement il arrive chez le spectateur, bah, tu vas avoir quelques secondes de latence. Parce qu'il faut que ça passe par les serveurs de Twitch, etc. Il y a plein de traitements qui font que ça va être lent. Donc tu vas peut-être voir l'image de la voiture, si elle arrive entre le streamer et le viewer, il va peut-être avoir 5-10 secondes de décalage. Donc pour laisser le temps au spectateur de réagir, bah, en fait on a ce paramètre de latence qui fait que tout simplement, quand tu as un FX de warning qui arrive, donc c'est une grosse flèche rouge sur l'écran qui dit « Attention, une voiture arrive dans telle direction », et ben du coup, on rajoute un temps de latence pour dire bah, « Entre le temps de FX et le temps où la voiture va vraiment apparaître, bah, il y a ce temps de latence qui est réglable. » Et on dit bah, « Voilà, il y aura peut-être 10 secondes parce qu'il faut que le temps que tout le monde réagisse. » quoi. Donc on laisse 10 secondes. Alors qu'en mode solo, bah, tu n'as pas ce problème-là. Tu as le FX qui arrive et tu as la voiture qui arrive quasiment dans la foulée. Quoi. Donc il faut être très très réactif. Et ça, c'est juste un paramètre qui permet de compenser cette latence. Donc ça, on l'a laissé accessible aux streamers pour se dire, bah, selon les connexions, s'il y a des gens qui le regardent avec une connexion un petit peu lente, ou c'est un peu trop dur, ou taper au clavier, hein, tout simplement, taper au clavier, on n'est pas trop rapide, on met du temps. Bon, on peut dire, j'augmente la latence, je vous mets pas 10, mais je vous mets 20 secondes, c'est largement suffisant, vous avez le temps de voir arriver l'image et de taper la commande au clavier. Ce qui du coup change aussi un petit peu en même temps le jeu, parce que du coup on va voir le FX, et la voiture va arriver que 20 secondes après, Donc au final, il va falloir commencer à mémoriser là où est-ce qu'on a vu des warnings, en fait. Donc ça devient plus un jeu de memory à la fin. La suite pour Turbo Live, qu'est-ce que c'est ? On a parlé de ce fameux mode foot, mais il y a aussi d'autres comment dire, choses qui vont peut-être arriver d'ici peu ou d'ici quelques mois. Peut-être aussi un nouveau jeu. On parlait justement de si on fait un prochain jeu, on le fera de manière un petit peu différente. Alors, Turbo Live, on a fait justement un post-mortem récemment de démo, et ce qu'on en conclut en fait actuellement, c'est le côté bah c'est sympa de faire un jeu pour les streamers, mais du coup en fait là actuellement on n'a pas beaucoup de streamers qui y jouent. On a eu quelques-uns, évidemment c'est super cool, ça nous a permis d'améliorer le jeu, et en fait on est un peu à un stade où pas tant de visibilité que ça. Alors à voir, hein, peut-être que quand il va vraiment sortir sur Steam et comme il sera gratuit, peut-être qu'on va attirer finalement plus de monde, je sais pas, hein, ça c'est on garde en suspens. Mais il y a un côté, bon, bah, le rapport visibilité qu'on espère en faisant un jeu gratuit, parce que c'est aussi pour ça qu'on... C'est un peu un jeu coup de com' aussi, hein, qu'on voulait faire un peu. Et la V2, en fait, on a une grosse V2 en tête qui pourrait être cool, mais qui demanderait quand même pas le travail. Et en fait, on est un peu en mode, en fait, ça mise vachement sur le streamer. Les gens en solo, finalement, n'ont pas trop d'intérêt, finalement, d'acheter des mods. Parce que l'idée, c'est ça, c'est en fait, après, t'as... Il y aurait peut-être, je sais pas moi, 6 modes de jeu gratos, par exemple. Et après, on rajoute des modes à la carte qui, eux, seront des DLC finalement un peu payants. Genre, tu t'achètes en fait des modes à 1-2 euros après. En tout cas, c'était ça un peu le plan marketing, en gros, initial. Mais on est un peu en mode, est-ce que c'est quand même beaucoup de travail? Et finalement, on est un peu en stade de... Bah, typiquement, en fait, pour créer des modes, actuellement, moi, je sais que je suis encore... très dépendant de Mathieu en termes de dev, où finalement j'ai pas les outils pour en fait être indépendant, et c'est pour ça que le post-mortem aussi a permis pour le prochain jeu de se dire bon bah qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que finalement Mathieu soit sur des questions techniques globales, et que moi par contre de manière micro je peux vraiment gérer mon petit mode de jeu. Et en fait l'idée ce serait de faire des modes à la chaîne, mais sans passer par Mathieu, en fait faut que Mathieu il ait le temps de faire d'autres choses en fait. Actuellement, on est vraiment en mode, bah, en fait, on a amélioré le truc sur la démo, mais à la sortie du jeu, en fait, il n'y aura a priori pas de nouveau contenu. On met le jeu en pause. Pour le coup, lui, on veut vraiment le mettre en pause, qu'on se dit, par contre, c'est pas impossible que plus tard on revienne dessus. Et, okay. Et là, si finalement, voilà, on améliorera, on mettra plus de modes, plus de trucs. Mais ouais, ça nous paraît risqué. En fait, on est que deux, et en fait, on se dit, tu vois, genre, il y a vraiment un truc de. On va pas faire en fait comme des gros studios où finalement des fois ils traînent un projet ou en mode on a trop investi dedans donc maintenant on peut plus retourner en arrière. Nous on a cette force en fait des peu, ce qui est aussi une contrainte évidemment, mais l'avantage c'est qu'en fait on va pas se prendre la tête si on sent que ça marche pas ou qu'on le sent plus et qu'on même on sait juste on s'est lassé du jeu, parce que c'est un peu le cas actuellement, on s'est un peu lassé du truc. Juste on peut faire une pause dessus, enfin rien nous empêche quoi, c'est pas bien impossible sûr. Quoi. Ouais, du coup ce que je rajouterais dessus c'est bah, comme l'a dit Simon, en fait, on veut voir si on a assez de streamers qui jouent, parce que c'est quand même un jeu qui est orienté streamer. Le mode solo est plus là pour tester le jeu, finalement. T'en as très vite fait le tour, quoi, clairement. Donc, on s'attend pas avec à la sortie à ce que les streamers y jouent 20 heures d'affilée. Le jeu n'a pas assez de mode pour ça. Mais on veut quand même voir si beaucoup de streamers y jouent et passent au moins une heure facile à bien s'amuser, tu vois. Et se disent, bah ouais, nous on aimerait avoir d'autres modes, si on sent qu'il y a cette envie, à ce moment-là, ouais, on pourra dire, bah ok, on va travailler un petit peu plus le jeu pour qu'on aille plus vite sur la création de modes et vraiment en sortir à l'appel, et là, ouais, continuer à gagner en visibilité. Donc clairement, voilà, le jeu sort le 11 novembre, on va voir ce que ça va donner, on va le suivre. En attendant, on commence à bosser sur un autre projet. Mais s'il faut, on est prêt à revenir dessus rapidement pour sortir plus de contenu. On termine cette émission par la recommandation. Un petit jeu qui a été développé, qui vient de sortir, qui est sorti, qui mérite d'être mis en lumière. Quelle serait-elle, cette recommandation ? Vas-y, Mathieu. Ouais, moi j'ai déjà un peu dit, c'est vraiment Islanders. Islands. Ouais. Islanders, okay. Islanders, ouais, Islands. Islanders, je pense qu'on dit comme ça. Okay. Mais Je suis pas sûr. Mais vraiment, ouais, c'est le jeu qui est tellement bien à prendre en main et enfin facile et agréable à prendre en main, et en même temps il y a tellement de profondeur dans le gameplay, enfin je trouve ça vraiment cool quoi. On peut vraiment s'y éclater dessus quoi. Et ouais, et en fait quand j'y ai joué, je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas entendu parler plus tôt? J'avais ce jeu vraiment génial quoi. Et j'en ai discuté avec d'autres personnes dans mon entourage qui ont joué au jeu, et ils ont eu le même ressenti en fait, tout ça. Mais ce jeu est trop bien, et pourquoi on n'entend pas plus parler quoi? Simon, heure fatidique. Je suis en train de démarrer Steam pour voir ma wishlist. Non, ouais, j'ai pas de nom qui vient en tête. Je m'en veux, je m'en veux. Oh non, non, mais t'inquiète pas. Quel jeu, quel jeu. Bah, ça date un peu. Écoute, voilà. Moi, j'ai un jeu que j'avais bien aimé à un moment. Qui est Franchement, il date un peu, hein, mais c'était Proteus, je crois. Ok. Qui est un jeu où tu te balades dans une forêt, et c'est un peu. C'est assez méditatif comme truc. Ouais, bah je le revois là un peu, là justement. Proteus, je me souviens, j'avais passé un bon moment dessus. Petit monde ouvert, en lot poli. Ouais, exactement. Ouais, c'est C'était. ça. Bah, c'était. Il n'y avait pas trop de jeux comme ça, il me semble, quand il était sorti encore actuellement. Ouais, je sais pas, il y a une espèce de petite expérience un peu contemplative où chaque élément, en fait, naturel, les arbres, les étoiles filantes, le ciel et tout, font du bruit. Mais un bruit un peu musical. Moi, je pense que c'est un peu ce qui m'a en background, enfin, ce qui m'a un peu inspiré pour Meaningless, justement. Voilà. Allez, je recommande. Voilà. On peut en Et donner ben un voilà deuxième pour. ou quoi? Bah, si tu veux, vas-y. Moi, c'était Xenoclash 2. Il date à maintenant qu'il est sorti il y a super longtemps, quand même. Mais en fait, je le recommanderais parce que à jouer en coop, bah, c'était vraiment des barres, ce jeu, quand même. Enfin, je sais pas si Simon en a gardé autant un souvenir que moi, mais alors il est très très moche, mais c'est volontaire, hein, la DA, c'est de faire que des personnages hyper moches. C'est du jeu de combat à main nue globalement, mais en vue FPS, et ça se joue Ok. super bien en coop, et c'est vraiment un bon défouloir. En fait, la coop est vraiment trop, trop drôle, quoi. Ça m'a fait tellement marrer, ce jeu. Après, c'est peut-être à cause de nos délires perso et nos private jokes, mais je pense que les gens, quand même, devraient au moins aller regarder Xenoclash 2 et essayer de se faire une petite partie en coop, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était Bien. marrant, je me souviens. En fait, je serais curieux même d'y rejouer, parce que je me dis, ah putain, peut-être que maintenant il a mal vieilli, il est horrible à jouer. C'est possible, ouais. Mais ouais, carrément, c'était un bon souvenir. Voilà, si un jour j'en veux Ben jouer voilà ce encore. qui attend votre soirée, Simon et Mathieu. En attendant, un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission d'Indie 500. Simon Giraud, donc game designer sur Turbo Live, et Mathieu Giraud, qui est ingénieur sur Turbo Live ou programmeur. C'est développé par Duck Reaction, c'est sorti le 11 novembre. Et on le rappelle, c'est gratuit, donc n'hésitez pas eh bien, à l'essayer et à faire vos retours, bien sûr, aux développeurs que j'ai reçus dans l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah voilà, si les gens même connaissent des streamers ou streameuses autour d'eux, n'hésitez pas à leur transmettre. Nous, on sera toujours content de voir les gens jouer au jeu. Et écoute, merci à toi. Voilà. Pas de souci, Mathieu. Merci à toi. Merci à tous Pas de aussi. souci au carré, du coup. Ouais, très bien. C'était très cool. Merci beaucoup. C'est la fin donc de cet épisode d'Indie 500. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur YouTube. Je vous rappelle que l'émission est également disponible sur tous les flux de podcasts associés Indie 500. Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon si jamais eh bien, vous voulez la soutenir. Et en attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tour de piste. Salut à tous et salut à toutes.